Chapitre 12e, le dernier des humains. Saïd est occupé à nettoyer le sol autour des bidons d'ordures. Silencieux, concentré et méticuleux, il accomplit son travail. Alma tac tac, lui lance en ricanant un jeune d'une dizaine d'années. Comme s'il n'a rien entendu, Saïd poursuit son activité. Le garçon ramasse une bouteille en plastique et la jette vers Saïd. La recevant sur le dos, celui-ci se tourne brusquement, fixe l'agresseur, puis ramasse la bouteille et la renvoie vers son agresseur. Ce dernier et ses deux amis du même âge saisissent d'autres bouteilles du plastique gisant par terre et bombardent leur victime en rigolant stupidement. Saïd prend le balai, le lève et se précipite vaillamment pour chasser ses agresseurs. Mais il boite légèrement de manière comique. Ce défaut amuse davantage les petits chenapans qui sautillent en éclatant de rire. De la fenêtre de son appartement, Karim remarque la scène. Il en est profondément indigné. Son malaise augmente en constatant l'indifférence des passants. Après un bref coup d'œil à l'action inique, chacun s'éloigne tranquillement. L'un des jeunes enlève sa ceinture, s'approche derrière Saïd et lui fouette sauvagement le dos. Le malheureux se tord de douleur. Les deux complices du garçon rient de manière plus sonore en sautillant. Peu de temps après, Karim surgit sur la place. « Vous n'avez pas honte ? » dit-il aux agresseurs, en fixant le jeune tenant la ceinture en main. « Que vous a-t-il fait, hein ? Pourquoi ?» Les trois coquins le regardent, en arborant un rictus narquois. Ils finissent par s'en aller avec nonchalance. L'un d'eux se retourne et lance à Karim, en indiquant Saïd. « C'est pas un humain, ça, ou si tu veux, c'est le dernier des humains. » Comme si rien n'était arrivé, Saïd retourne à son travail de manière flegmatique. Karim l'observe, bouleversé par sa situation malheureuse et son comportement résigné. Puis, Karim baisse la tête, très désolé, et s'éloigne en direction de son immeuble. De la fenêtre de son appartement au rez-de-chaussée, Zara observe discrètement la scène, par un petit trou percé dans le rideau. Dans l'après-midi, elle se retrouve dans le bureau du policier. Elle lui raconte la scène vue par elle auparavant. L'homme déclare d'un ton très soupçonneux. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'intéresser aux autres sans y trouver d'abord son profit personnel. Il te faut découvrir le motif de l'action de ce Karim. Nous savons qu'il ne fréquente pas la mosquée, donc l'action de ce Karim n'est pas motivée par la religion. Et ce n'est évidemment pas un intégriste qui cherche à embaucher des partisans. Alors pourquoi prête-t-il attention à ce dernier des hommes qu'est le nettoyeur d'immondices ? Le policier ignore évidemment d'avoir prononcé à propos de l'infortuné Saïd une expression presque identique à celle proférée auparavant par l'enfant agresseur. Mais à ce dernier des humains, donner les moyens matériels qui permettent d'acquérir l'instruction scientifique, éthique et esthétique, elle produira un cerveau qui fournira le meilleur de ses capacités. Alors cet homme saura l'art de se construire une existence dont les ornements principaux seront dignité, bonheur personnel et collectif.